Vous voici conviés au cours du Collège de France. Quel est le rapport de l'homme avec la nature? Alors que la COP22 réunit décideurs et acteurs du développement durable et que la biodiversité est entrée dans une phase d'érosion beaucoup trop forte, nous vous proposons de retrouver cette semaine le biologiste Gilles Boeuf, titulaire de la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, pour sa série La biodiversité, son évolution et ses croisements avec l'humanité, au micro de Christine Goémé pour l'Éloge du savoir en 2014. Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Le Collège de France a créé 5 chaires annuelles. La chaire de création artistique, la chaire savoir contre pauvreté, la chaire développement durable, environnement, énergie et société, la chaire innovation technologique Liliane Bettencourt, la chaire informatique et sciences numériques. Y sont élus donc chaque année des hommes et des femmes qui œuvrent, et plus encore, qui sont engagés au quotidien depuis longtemps et sur le plan international, dans les secteurs liés à l'objet de la chaire. Vous l'aurez compris, le but de ces chaires est donc de réfléchir au plus haut niveau sur des questions contemporaines, à la fois urgentes et fondamentales. En 2013-2014, Gilles Boeuf a été élu à la chaire de développement durable, environnement, énergie et société. Cet entretien nous permet ce soir de faire plus ample connaissance avec lui. Gilles Boeuf, vous êtes biologiste, spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité. Vous enseignez à l'Université Pierre et Marie Curie. Vous effectuez des recherches au sein de l'unité biologie intégrative des organismes marins au laboratoire Arago dans les Pyrénées-Orientales. Oui. Vous avez toutes sortes de responsabilités nationales et international dans votre discipline. Vous présidez le Conseil scientifique d'Agropolis International à Montpellier, la Commission environnement de la Fondation de France et toutes sortes d'autres organismes très importants, absolument. Vous êtes membre du Conseil scientifique aussi du patrimoine naturel et de la biodiversité auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Vous êtes actuellement le président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Nous sommes d'ailleurs dans votre bureau, qui fut celui du grand naturaliste français Buffon. Vous allez nous en dire 2-3 mots, j'espère. Et si nous sommes avec vous ce soir, c'est parce que vous avez été élu au Collège de France pour occuper la chaire annuelle développement durable, environnement, énergie et société. Alors merci beaucoup de nous recevoir, Gilles Boeuf. Et peut-être avant de nous dire d'où vient cette passion pour la biologie, peut-être qu'on pourrait dire 2-3 mots de ce bureau sublime dans lequel vous êtes installé et qui a été celui d'un nom qui nous est très cher. Bien sûr, bien entendu. L'homme de l'histoire naturelle. Le comte de Buffon est intendant du roi pendant près de 40 ans. Hein. Et c'est vrai qu'on est dans ce bureau qu'il a utilisé. Je travaille sur sa table, j'ai beaucoup hésité avant de mettre un ordinateur sur la table du comte de Buffon d'ailleurs. Oui, et nous avons... Lui l'aurait sûrement fait mur, à notre époque. Oui, on est bien d'accord. Au mur d'étoiles qu'il avait effectivement, qui date des années 1730. Et qui sont de toute beauté, qui évidemment représentent des animaux. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Il a écrit beaucoup de livres d'histoire naturelle, puis c'est bon, c'est un des grands noms du Muséum national d'histoire naturelle. Alors, il y a 3 grands musées comme ça à peu près au monde, de cet ordre de grandeur. Le plus grand, c'est la Smithsonian, qui est à Washington, aux États-Unis, et 2 à égalité derrière, qui sont National History à Londres et le Muséum de Paris. En gros, avec 70 millions d'objets et un peu plus de 100 aux États-Unis. Et après, c'est beaucoup plus loin. Et après, il y a Berlin, il y en a également en Hollande. Il n'y a pas de très grands musées en Asie, ni en Afrique, ni en Europe du Sud d'ailleurs. Ce n'est pas dans les traditions, dans les coutumes. Et Buffon a été, bien sûr, un personnage extraordinaire qui donc était intendant du roi entre 1740 et 1788. Alors, vous, Gilles Boeuf. D'où vous vient cette passion pour la biologie? Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? C'est tout petit. En fait, moi, petit garçon à 10 ans, je savais que je serais biologiste et je savais que je serais chercheur. Quand je dis ça à mes étudiants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Puis à l'époque, on savait très bien que si on aimait quelque chose et qu'on travaillait, on réussissait. Il n'y avait pas de souci d'emploi, évidemment. Et donc, et pourtant, moi, je suis issu d'une famille très modeste. Mon papa était ouvrier, ma maman l'accompagnait. Et alors lui, il est né au Brésil d'un papa portugais et d'une maman corse. Oui, ça fait des mélanges qui sont un peu particuliers, qui expliquent l'hétérozygosie dans laquelle je baigne, je me trouve. Je ne suis pas une lignée pure du tout. Je suis vraiment un mélange tout à fait d'Europe du Sud. Et ma maman, elle vient de la région vendéenne. Et c'est vrai que petit, je ramenais à la maison. En fait, tout petit, j'ai commencé à faire ça. Je ramenais, j'ai élevé tout ce qu'on pouvait élever. À l'époque, en plus, ce n'était pas interdit. J'ai élevé des oiseaux, j'ai élevé des serpents, j'ai élevé des grenouilles. Alors ma maman, quand c'était des vipères, elle n'aimait pas trop. Puis après, je suis passé à des papillons, c'était plus facile. Donc j'avais cette très, très profonde pensée pour ces choses-là. Et j'aimais beaucoup aussi l'histoire. Je me rappelle en quatrième, on a 10 ans, 10. Un peu plus, on a 11 ans. Oui, 11-12. 11-12, voilà. En quatrième, 11-12. Et je me rappelle, j'étais passionné par l'histoire. Je lisais tout ce qui tombait sur la main sur les Incas à l'époque, qui m'intéressait beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup après de terrain au Pérou, après, sur leurs traces. Donc, ce côté naturaliste, j'adorais la géographie. Moi, je pense que tout petit, j'avais 2-3 ans, je récitais toutes les capitales des pays de la planète. Je connaissais tous les oiseaux, tous les papillons, en fait. Donc, vous êtes né en disant, je serai biologiste. Oui, tout à fait. Et chercheur. Et en plus, bon, un cadeau des dieux pour moi, les faits qui sont passés sur mon perso, j'ai une mémoire absolument fabuleuse. Ça, c'est vrai, qui n'a pas changé. Et c'est vrai que là, bon, je me rappelle le nom d'un personnage dont j'ai lu l'histoire il y a 40 ans. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et alors, maintenant, avec le temps qui passe, au moment où on me parle, j'enregistre ou pas. Je me dis ça, je le grave sur le disque dur. Je veux me rappeler à vie, ou alors ça, j'écoute même pas ce qu'on me dit, parce que j'ai pas envie de garder ça. Exactement. Et je pense que de façon inconsciente, je fais de plus en plus, en fait. Peut-être parce que justement, maintenant, on a moins de capacité à engranger. Mais les neurones sont toujours, ils fonctionnent toujours bien. Donc voilà, c'est effectivement une passion tout petit, ce qui fait que j'ai fait des études, moi, de sciences naturelles, évidemment. J'ai passé une maîtrise d'enseignement de sciences naturelles. À l'époque, on faisait les 4 certificats de zoologie et de vie des animaux, de botanique et de vie des plantes, de physiologie générale et comparée. On faisait un peu de physiologie des plantes et de physiologie animale, et de géologie. On faisait de la géologie et de la paléontologie. Et ensuite, j'ai fait de l'océanographie, parce qu'il s'offrait des possibilités de travail. À l'époque, j'étais à Brest, et ce qui m'a amené à travailler 20 ans pour le CNEXO qui allait devenir l'IFREMER. Et donc, j'ai passé 2 thèses, comme tout, à l'époque, comme voilà. C'était normal. Une thèse de 3e cycle et une thèse d'État. Et en fait, vous avez commencé donc par le milieu marin et les poissons. Toujours, oui. Moi, je suis endocrinologue. En fait, ce que j'ai fait après sur mes études, c'était ça. J'ai fait mes 2 thèses sur la glande thyroïde. Et je travaillais beaucoup après sur l'hypophyse, après, dans les années 80. Et donc, pendant 20 années, je me suis intéressé aux migrations des saumons. Ça m'avait passionné. J'étais en Bretagne, on faisait les premiers repeuplements en saumon atlantique. On avait tout détruit, On est massacré les rivières. On faisait de la surpêche dans les estuaires. Il y avait des grands filets qui barraient entièrement la rivière. Donc, on prenait quand ces pauvres animaux? Quand ils allaient pondre. Ce qui est une hérésie totale au niveau de la gestion d'un stock. Vous capturez les femelles et les mâles. Au moment où ils vont se reproduire. Et vous les mangez. Donc, bien sûr, les stocks se sont effondrés. On commençait à polluer beaucoup les rivières. Et on a fait des barrages partout, n'importe comment. Donc, il y aura un tas de mesures qui sont prises dans les années 70 pour éliminer ces barrages. Pour essayer de moins polluer ou de dépolluer, et surtout pour interdire, bien sûr, ces pêches destructrices. Et donc, à l'époque, on faisait des choses incroyables. On n'avait plus de saumon atlantique. Quelqu'un avait ramené des saumons des États-Unis, vous voyez un peu, des saumons de la côte ouest, en plus. C'est fou, ça. On remet en France des saumons coho, qui est une espèce qui vit de la Californie à l'Alaska, et qui vit aussi au Japon. Bon, ça ne marchera pas, heureusement, mais beaucoup vont partir dans la nature, ils vont poser des problèmes quelque temps. Et donc, je m'intéresse, moi, au déclenchement de la migration. Comment on sait qu'un petit saumon, il a envie de partir en mer? Et ça, la glande thyroïde a été très importante parce que cette glande aide l'animal à prendre la décision du départ et surtout à mémoriser son environnement pour, au moment où il va revenir 3 ans après, il puisse retrouver exactement sa rivière. Magnifique. Donc, vous travaillez là-dessus. Je me suis beaucoup intéressé aussi au changement, bien sûr, de salinité. Comment on passe de l'eau douce à l'eau de mer. C'était un de mes grands domaines. C'est ma physiologie environnementale. Et après, on me dit un jour, c'était en 93, c'est fini le saumon. Parce que la France en mange beaucoup, mais on ne les produit pas en France. J'appartenais à l'IFREMER, qui est un institut de recherche appliquée. Oui. Alors on me dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah, bon, écoutez, il y avait d'autres poissons. Je travaille sur les poissons plats, sur le turbo à l'époque, on commençait à élever. Et je m'intéresse aux métamorphoses du poisson plat. Je me rends compte que la même glande thyroïde qui déclenchait la migration chez mes chers saumons a déclenché aussi la métamorphose chez les poissons plats. Parce que le petit poisson plat qui naît, il a un œil de chaque côté. Et au moment où il va devenir un poisson plat, ça serait un peu stupide d'avoir les deux yeux dans le sable sur le fond, on aurait toujours du sable dans l'œil. Hein. Il y a un œil qui va entièrement traverser le poisson pour aller de l'autre côté. Et je vais m'intéresser à ça. Il a les deux yeux sur le dessus. Formidable, ça. Parce qu'il voit les prédateurs et il voit ses proies aussi, bien sûr, comme ça. 5 années, et puis après on est en 98, là on me dit, bah écoutez, les poissons on arrête, faites de l'huître. Alors j'ai pas été trop branché par les huîtres, même si j'aime bien les manger. Donc du coup j'ai répondu aux sirènes de Pierre et Marie Curie pour aller m'installer au laboratoire Arago à Bayeux. Donc vous donnez une leçon inaugurale le jeudi 19 décembre 2013, vous êtes élu au Collège de France, et donc c'est votre leçon inaugurale. Je conseille vraiment à tout le monde de la lire, elle est parue aux éditions Fayard, et elle coûte d'ailleurs 2 francs 6 sous, on la trouve partout, elle est formidable. Elle s'intitule « La biodiversité de l'océan à la cité », et au fond elle s'ouvre sur un cri d'alarme, celui de... Robert Barbeau, votre maître. Oui, voilà, que j'ai perdu. Robert disparaît une semaine avant ma leçon inaugurale. Il se réjouissait d'y venir, en plus, parce que faut bien reconnaître qu'au Collège de France, on a peu parlé, peu porté des paroles de l'écologie scientifique. Hein. Oui. On est sur des disciplines biologiques très pointues, mais pas beaucoup d'écologie. Étrangement, d'ailleurs, c'est plutôt des gens des sciences humaines et sociales, comme Philippe Descola, qui ont parlé d'écologie au Collège de France. Mais il parle des formes du paysage, par exemple. Qui en parle très bien. Oui. Mais sur l'aspect biologique, peu, pas beaucoup. Et donc, tous mes amis, ils réveillent. Jacques Weber, qui est disparu depuis aussi, était là. Je crois qu'il était plus ému que moi et plus heureux que moi encore qu'on parle dans une telle enceinte des questions d'environnement et d'écologie. Oui, c'est un cri d'alarme parce que... Bon, tout petit garçon, tout à l'heure, je reviens à ça aussi. J'avais un musée d'histoire naturelle chez moi. C'est pour ça que je suis venu ici. Hein. Oui. J'ai collectionné les papillons, les grenouilles. J'avais des fossiles, j'avais des cailloux, j'avais plein de trucs que je ramenais. Et puis, ça m'a donné ce goût... Parce que je suis profondément un biologiste, mais aussi un naturaliste. Je suis quelqu'un qui a toujours été intéressé par ces questions-là. Et Robert Barbeau était vraiment ce naturaliste qu'on évoque ici. Robert a été un des grands maîtres de l'écologie en France. C'est lui qui va créer la revue Ecology Letters, qui est la plus belle revue d'écologie, une des plus belles au monde. Hein. Il y a très peu de revues scientifiques françaises qui ont ce niveau de reconnaissance aujourd'hui. Et Robert, surtout, a mis en relation la science fondamentale avec le monde associatif et le monde politique. Et ça, il faut leur rendre grâce. Il était directeur ici au muséum du laboratoire d'écologie et de gestion de la biodiversité. Il dit que l'horizon est sombre et que la sixième crise d'extinction est une perspective certaine. Si on ne modifie pas nos comportements. Si on ne modifie, oui. Est-ce qu'il est encore temps d'abord de les modifier ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a eu un article qui est sorti dans Le Monde il y a quelque temps. Il m'appelle l'écologue optimiste. Je trouve que c'est un peu exagéré. Oui, j'ai vu ça, oui. Mais Foucault, qui a fait l'article qui est très bien par ailleurs, me dit c'est pas moi qui ai choisi le titre. Alors, vous voyez un peu, hein, quand on parle de journalisme, il faut rassurer. Toujours est-il que je suis quelqu'un qui est très positif et très pragmatique. Donc, en plus, je suis professeur des universités. Je peux passer mon temps à dire à mes étudiants qui ont 23 ans, tout est fichu, ça va mal. Je dis, il faut se retrousser les manches. Il faut qu'on change nos comportements, il faut qu'on change nos façons de voir et de penser. Et c'est là que c'est compliqué pour un écologue, pour un biologiste, parce que tout ça est très transversal, finalement. Et Robert Barbeau excellait pour expliquer ses relations, comment on passait de l'écologie à l'économie. Jacques Weber avait même lui dit « Comment sauver l'économie par l'écologie ?» Vous voyez un petit peu, hein. Tout ça mis bout à bout fait que ça nous amène à une pensée, forcément humaniste aussi, hein. Et le cri d'alarme, il est là. Je refuse d'être un catastrophiste, hein. Je suis là pour dire aux gens, écoutez, ce qu'on fait n'est pas bien. Ils s'en rendent compte, tous, hein, parce que ça fait un bout de temps que les nuages... Comment est-ce que vous expliquez le peu d'intérêt que les politiques portent à ces questions, enfin, je veux dire, alors qu'ils savent tous exactement à quoi s'en tenir. Et oui, Qu'est-ce qui se passe? Et oui, vous savez, j'avais un fantasme au moment... C'est de mettre un cours d'écologie à l'École nationale d'administration. Ah oui, pourquoi pas? J'avais demandé, le cours était facultatif, personne ne venait. Donc je voulais un jour qu'on rende le cours, si on en faisait un jour, obligatoire. Il y a un cours d'écologie à l'École normale supérieure, bien sûr. Il y en a à l'École polytechnique, il y en a à l'École centrale, il n'y en a pas à l'ENA. Tous ces gens-là sont destinés à être au moins sous-préfet, préfet et homme politique. Dans le gouvernement, il y en a beaucoup. Donc ça veut dire que refaire un minimum de formation de base en écologie, c'est quelle science? C'est la science des relations entre les êtres vivants et avec leur environnement. Donc je pense que, pour répondre à votre question, ils n'ont aucune formation. Madame Kosciusko-Morizet avait une très bonne formation. Elle a vu comme professeur Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur ici au muséum. Chantal Joanneau, j'ai très bien travaillé avec elle aussi. Mais c'est vrai que avec ses collègues de Royal, on travaille pas mal aussi aujourd'hui. Elle a envie de faire des choses. Alors, le monde politique s'intéresse pas, parce que simplement, on revient à des choses très bassement financières, du style, l'investisseur s'intéresse pas à la transition écologique, parce que c'est pas rentable. Vous imaginez, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'aujourd'hui, continuer à créer de la richesse, en détruisant la nature et les écosystèmes ou en la surexploitant, appauvrit tout l'ensemble. Et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Donc mon cri d'alarme, il est là, effectivement, c'est de dire, je suis un donneur d'alerte, pas le premier, il y en a eu bien d'autres avant moi, hein, en disant, stoppons cette activité. Oui. C'est pas la fin du monde du tout, hein, mais c'est la fin d'un monde économique, oui, certainement. Vous dites d'ailleurs dans votre leçon inaugurale qu'aujourd'hui, on est évidemment capable, avec à peu près tous les matériaux dont on dispose et les possibilités d'observation, au fond, de prendre la mesure de la diversité. Et c'est justement au moment où on peut prendre cette mesure qu'on commence à la détruire vraiment. C'est étrange quand même. On a commencé il y a longtemps, mais on continue de façon effrénée. Vous avez raison sur l'accélération des destructions aujourd'hui. Mais on a commencé en fait au néolithique, hein, il y a 12 000 ans, quand il ne reste plus que Homo sapiens sur cette planète, les femmes se mettent à faire beaucoup de bébés, on se fixe, on invente agriculture et élevage, on commence à avoir un impact très fort. On a à peu près 5 millions à ce moment-là d'humains sur la Terre. Hein. Le premier milliard c'est 1830, 3 milliards en 1960. Depuis que je suis né, j'ai passé la moitié du siècle, on a multiplié par 3 la population humaine. Vous voyez un peu. Donc c'est des éléments intéressants à regarder. Et ça, il faut en tenir compte dans toutes les discussions que l'on a. Donc c'est de dire aux gens qu'il faut qu'on trouve d'autres moyens. Et en fait, la solution, finalement, c'est de vivre beaucoup mieux en consommant moins. Hein, c'est pas de revenir à des histoires préhistoriques. Et c'est là, justement, que pour revenir aux hommes politiques, la notion la plus compliquée que j'ai avec eux en discussion, c'est la notion du temps. En fait, pour eux, 100 ans, c'est horriblement long. Alors, 5 ans... C'est le contraire de Richelieu qui plantait des forêts. Hein, on est bien d'accord. Pour 100 ans. Voilà. Voilà dans 100 ans, la France et des forêts. Voilà un vrai homme politique. Ben voilà, oui. Qui pensait à demain. Et là, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui... Les on pense à leurs élections, surtout. Voilà, hein, ça c'est un gros drame aujourd'hui. Quand l'obsession, c'est sa réélection, les mesures courageuses, difficiles et impopulaires à prendre, on ne les prend pas. Et pourtant, ce n'est pas sûr, tout de même, que les gens, si on leur expliquait vraiment de quoi il s'agit, n'accepteraient pas des mesures de prétendues impopulaires en réalité. On l'a vu sur la crise des particules dans l'air de Paris. Quand on a pris la décision d'arrêter le trafic de voitures, les gens ont très bien pris ça. On l'a pris un tout petit peu tard, la mesure, il fallait s'arrêter le vendredi, on l'a pris, le pic était le vendredi. N'empêche que la population de Paris l'a très bien pris. Hein. Il n'y a pas eu de gens qui se sont mis à crier. Ça, je trouve ça très bien. Mais moi qui vis en pays catalan pour faire ma recherche, quand je suis là-bas, vous vous rendez compte qu'au seul col du Pertus, il passe 15 000 camions poids lourds par jour. 7 500 dans un sens, 7 500 dans l'autre. Ils font tous Barcelone-Montpellier. Quand est-ce qu'on on les mettra sur un bateau à Barcelone pour aller à Marseille ou sur un train? Alors ça plaira pas, il y aura quelques soucis, mais on peut pas ne pas faire ça à terme. De même qu'interdire la circulation dans Paris en laissant que les transports en commun. Et je pense que ce bien-être en fait auquel on aspire tous, lié à la dimension aujourd'hui de la démographie actuelle avec la vie dans les villes, hein, va amener à des décisions qui seront forcément pour tout le monde bien meilleures que ce qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, on voit bien qu'en Chine, les gens se promènent dans la rue avec des masques. On va finir complètement gazés tous autant qu'on est, n'est-ce pas ? On voit déjà hein, dans les hôpitaux. Hein. La vague de chaleur de 2003, elle fait en France 15 000 morts dans un pays qui se dit complètement sorti de l'écologie. Moi, je ne suis pas sensible à la température. Et qui meurt ? Des vieilles personnes. Elles ne sont pas mortes à Toulouse, ni à Perpignan, ni à Marseille. Elles sont mortes à Paris, sont mortes à Brest, à Rennes ou à Lille. Parce qu'elles n'avaient pas le comportement qui fait qu'une personne âgée n'a pas la même sensibilité pour commencer à boire avant d'avoir soif. Ou quand une maison, quand il fait très chaud, a laissé les persiennes fermées et pas ouvrir en grand le matin parce qu'il fait très beau. Donc tout ça a amené à des réflexions aujourd'hui. La vague de chaleur en Russie, elle fait 100 000 morts en 2009. Hein. On en a très peu parlé chez nous. Donc tout ça pour nous montrer qu'on n'est pas si autant qu'on le croit sorti des systèmes. Je pense que l'aspect le plus délétère, c'est de continuer à se croire l'humain sur un piédestal et la nature à côté. Et ça, c'est une catastrophe. Pour un écologue, ça n'a pas de sens en plus. Au fond, si on sait tout ce qu'on sait sur la nature, sur le vivant, c'est aussi parce que justement... Il y a de l'homme, même bien si sûr. Les animaux ont une conscience d'une certaine manière, on peut dire ça comme ça, parce bien que sûr, bien visiblement, bien vous racontez dans votre leçon inaugurale qu'il y avait une pieuvre qui sortait la nuit pour aller voler de quoi manger et qui refermait la trappe. Et qui refermait là, derrière elle, pour pas qu'on sache que toutes les nuits elle sortait. Ça c'était à Monaco, c'est fabuleux comme histoire. Oui, donc la pieuvre voleuse. Alors en anecdote, la semaine dernière, le droit européen a reconnu pour la première fois chez un invertébré la sensibilité aux pieuvres. On n'a plus le droit de la faire n'importe quoi. C'est le premier invertébré classé. Hein. Vous êtes un peu franciscain quand même. Hein. Je sais pas. Votre sœur la pieuvre. Oui, tout à fait. Ah oui, je m'assimilerai bien à elle. Et c'est là, en fait, le débat, il est là. C'est perdre J'ai deux ennemis essentiels, la cupidité et l'arrogance. C'est vraiment les deux aspects aujourd'hui. Très masculin, d'ailleurs. C'est très masculin. Oh, les femmes aussi n'en ont pas, justement. L'arrogance, elle est chez les garçons bien plus. Regardez le film Loup de Wall Street avec DiCaprio récemment. C'est que des types. Le rôle de la femme est épouvantable. On saute dessus dans ce film. C'est tout ce qu'on fait, hein. Et ils ne font que déclencher la testostérone pour vendre à des gens qui n'ont pas d'argent des choses et gagner de l'argent à très court terme. Cette arrogance-là, il faut arrêter. La cupidité qui va avec aussi, bien entendu, en disant « je vais tout réinventer, moi, je vais gagner de l'argent très très vite ». Et puis les corollaires, c'est le déni, quand on nous dit en permanence « mais non, ça va bien finalement, arrêtez d'inquiéter les gens, c'est pas bien, vous leur faites peur ». Ou alors la triche, hein. Moi j'ai trouvé fabuleux ce coureur cycliste américain Armstrong qui gagne 7 Tours de France et qui disait à la télévision « on ne peut pas gagner le Tour de France sans se doper ». Si personne ne prend un produit, on aura bien un vainqueur, on est d'accord, hein. Ils iront un petit peu moins vite, ils seront moins malades et on les verra mieux. Donc tout ça est lié dans cette accélération des process qui sont de l'écologie aussi finalement. Donc faut vous englober à peu près tout dans l'écologie puisque l'écologie concerne la vie elle-même. Voilà, c'est la relation entre tous les êtres vivants entre eux. Et la biodiversité, on peut la définir parce que c'est mathématique essentielle. Et en fait, il faut que je raconte comment j'y suis venu. Tout à l'heure, vous avez très justement dit, au départ, mon métier, moi, c'est la physiologie environnementale. Oui. C'est quoi? Ça veut dire que je regarde depuis toujours, moi je suis des espèces marines, c'était mon truc, l'océan, comment les grands facteurs de l'univers, qui sont le sel de l'océan, la température de l'air ou de l'eau, la longueur du jour, l'oxygène dans l'océan, vont permettre aux vivants de s'adapter et comment la vie a dû tirer parti de ces facteurs pour exister, se maintenir et se développer. Ça, c'est la physiologie environnementale. Et je lis donc beaucoup d'endocrinologie, beaucoup d'hormones, parce que les hormones sont justement à la transition entre la réaction des vivants et ces facteurs qui bougent. Et puis en 2001, je lis un papier de Steve Palombi. Moi, je faisais mes travaux d'endocrinologie fondamentale. Je travaillais à l'époque, j'avais laissé la thyroïde, je travaillais sur l'hypophyse, sur le cerveau. Et je commençais à m'intéresser beaucoup à la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et je lis ce papier. Et Palombi dit, aujourd'hui, le plus puissant moteur de l'évolution du vivant sur cette planète, c'est plus ce que moi j'avais passé ma vie à étudier, c'est la présence d'une espèce, l'humain. Alors ça me bouleverse, je me dis c'est pas possible, ce qu'il dit c'est pas possible, c'est pas vrai, puis j'y réfléchis. Et du coup, du jour au lendemain, je lâche tout. Je continue à faire encore un peu d'endocrinologie grâce à mes amis à Bagnouls. N'empêche que je commence à réfléchir à tout ça. Je rencontre Jean-Pierre Changeux en 2005, on discute beaucoup. Vous voyez comment des gens transforment des vies comme ça. Il me dit, viens nous faire au Collège de France la première conférence à l'étranger, c'était à Bruxelles, en Belgique, une conférence sur la biodiversité. Je lui dis, mais non, je ne suis pas le meilleur. Il y a Robert Barbeau, par exemple, qui fait ça très bien. Il y en avait d'autres. Mais non, je veux que ce soit toi. Je t'ai écouté faire une conférence sur l'île de Pâques l'autre jour. J'ai bien aimé ton approche en écologue. Viens nous faire la conférence. Et je la fais. Et après, ça plaît. On me dit, fais un livre maintenant, chez Odile Jacob. Ben, je dis, non, je fais mon livre. Ça plaît aussi. Robert Barbeau me dit, écoute, tu écris des choses que jamais un écologue pur écrirait. Parce que tu vois le vivant à travers des yeux de physiologiste. Et ça, c'est intéressant, effectivement. Donc, je fais ce livre. Alors, comment c'est? Je m'intéresse beaucoup aux mécanismes. Voilà. C'est-à-dire que je veux comprendre des mécanismes. Par exemple, ces lunettes? Oui, oui, c'est vrai. Par exemple, tous les deux, là, on a des facultés d'adaptation qui sont issues de l'évolution de l'humain depuis quelques centaines de milliers d'années. Homo sapiens, 200 000 ans. Bon, il n'y a plus que nous sur la Terre depuis 20 000 ans. Peut-être 25 000 quand disparaît cette dernière néandertalien, dont on a quelques gènes d'ailleurs. Et je regarde effectivement nos réactions en fonction de nos capacités à encaisser les fluctuations extérieures. Comment on réagit quand il fait trop chaud, trop froid? Comment on réagit quand il pleut pas assez ou il pleut trop? Comment on réagit quand on manque d'eau? Comment on réagit quand on est exposé à la lumière? Comment on réagit quand on est dans l'eau ou hors de l'eau? Et ça donne une vision en fait de la nature, toujours un mécanisme d'adaptation. Que pas forcément l'écologue, qui va travailler sur des populations, qui va faire des modèles mathématiques. Voilà, exactement, on est bien d'accord. Donc, l'union faisant la force, quand on met tout ça en même temps, c'est super intéressant. Et donc, ça m'a donné une vision de l'écologie qui est un peu la mienne, et tout ce que j'ai écrit depuis, les livres qui sont sans arrêt, ça c'est le dernier, celui-là il a très bien marché, on revient sur l'environnement. C'est vraiment cette vision, en fait, naturaliste de tout un monde, que je ne mets pas non plus à part de l'humain. Bien sûr, alors je suis quelqu'un qui inclut profondément l'humain dans la biodiversité, bien sûr. Donc la biodiversité, je dirais en fait, c'est les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Oui, c'est pas la définition classique en fait que les gens utilisent en disant c'est un catalogue d'espèces ou un inventaire. C'est pas ça la biodiversité. Alors justement, la personne qui a créé le terme, Madame Gro Harlem Brundtland, disait, alors je trouve c'est très bien, un développement qui satisfait les besoins de la génération présente, alors, et ça c'est fondamental, tout en préservant pour les générations futures la possibilité de satisfaire les leurs. Vous savez, même moi je disais les enfants, maintenant notre fin de vie à nous aussi, hein, ça va venir bien avant notre fin de vie. Hein. Il y a un livre qui a été écrit célèbre, c'était 2040 années à risque. Ça va être bien avant 2040, parce que tout s'accélère. Les pêches mondiales, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé aussi, nous montrent qu'en 15 ans, on a éradiqué, tué, détruit tous les individus de tous les grands poissons pélagiques, entre 50 et 90%. Pardon. C'est effroyable. Les pêches aujourd'hui, regardez le combat que j'ai eu récemment sur les pêches profondes. On a tout ratiboisé entre 0 et 400 mètres, maintenant on va à 2 km pour pêcher quelque chose dont l'humanité n'a pas besoin. Vous savez, une anecdote, je vais à la poissonnerie quand je suis chez moi en pays catalan. Alors maintenant, le poissonnier de Port-Vendres, il y a des sols comme ça ou des petites lottes de quelques centimètres. Je lui dis, mais quand même. Il me dit, vous comprenez, le catalan aime bien la friture. Ben, je dis, c'est simple, le fils du catalan, il bouffera des patates. Hein. On est exactement dans ce sens des enfants que vous évoquez. Comment pensait Gilles Boeuf les relations entre l'homme et l'animal et puis également les rapports de l'homme à son animalité ? La science les met dans les primates. Alors, ici au muséum, on travaille beaucoup sur les grands singes qui restent. Hein. Il nous reste les chimpanzés, donc on a toute une mission avec Sabrina Krief en Ouganda, les orang-outans à Bornéo, les bonobos au Congo et les gorilles, à la fois au Centrafrique et aussi au Congo. Donc, je les regarde, je les scrute quand je suis sur le terrain avec mes amis qui sont tous anthropologues et qui travaillent sur ces grands singes et les interrelations grands singes humains aujourd'hui. Et finalement, quand vous grattez bien jusqu'au bout, hein, vous cherchez leur sens. Qu'est-ce qui est humain chez nous par rapport à eux ? Parce que quand on travaillait sur ces animaux-là dans des zoos ou des parcs, on leur mettait une petite jupe le matin, ils allaient faire pipi aux toilettes, on modifiait entièrement leur comportement. Vous savez, cette terrible histoire qui s'appelle Nîmes. C'est un chimpanzé qu'on a instrumenté dans les années 70 aux États-Unis. On l'a humanisé et on a élevé un petit garçon avec un petit chimpanzé dès le départ. Cette femme était assez cinglée, excusez le terme, pour l'élever au sein. Donc elle avait son fils d'un côté et le chimpanzé de l'autre. Puis ça s'est très mal passé avec le mari qui en avait marre de voir sa femme qui donnait le sein à la fin au petit chimpanzé, vous imaginez un petit peu. Donc il a été rejeté, on l'a remis avec les animaux, mais cet animal n'était plus un chimpanzé normal. Et quand il a été remis en présence de sa maman quelques années après, sa maman biologique humaine, pas sa vraie maman biologique chimpanzé, il ne l'a pas tué, il l'a défiguré. Il lui a arraché la joue. Il est mort en 2002, Nîmes. Cette histoire est monstrueuse parce qu'on a transformé un chimpanzé en pseudo-humain, rejeté par les humains et par les chimpanzés. Alors, il y a aussi cette magnifique histoire de cette femelle chimpanzé qui classait des images d'animaux et des images d'humains et qui mettait un chimpanzé normal dans les animaux et qui se mettait elle-même avec les humains. Donc, quand vous travaillez sur ces espèces-là, la limite, on est tout le temps debout et on parle. Hein, c'est un peu les grosses différences. Oui, alors après, on peut descendre dans l'évolution parce que récemment, c'est intéressant ce que vous me posez comme question parce que je suis allé au Comité consultatif national d'éthique avec Jean-Claude Amezen. Et donc, je leur ai parlé de biodiversité parce qu'il se pose une vraie question qui me plaît beaucoup. Est-ce que le fait de détruire la biodiversité est aussi une question éthique ? Et je venais de leur dire en permanence que dans la biodiversité, il y avait aussi les bactéries, il y avait tout. Hein. Tout ce qui est vivant est dans la biodiversité. Il y a plus de bactéries en masse sur la Terre que tout ce que vous voulez d'autre. Et à un moment, on m'a dit, mais écoutez, quand vous parlez, monsieur Boeuf, de droit à la vie des espèces, où nous, effectivement, on a dans le crâne des animaux classiques qu'on approche de nous, ils me disent, est-ce qu'une bactérie a le droit à l'existence ? Et on revient à la question, où est-ce qu'on met la limite entre ceux qui ont le droit d'exister et ceux que nous, on pourrait imaginer comme ne pouvant ne pas exister. Donc c'est très compliqué. Et quand on parle que d'animaux, aujourd'hui dans ces grands musées, on sait qu'il y a un peu plus de 2 millions d'espèces décrites aujourd'hui sur la Terre. Tout compris, hein. Virus, bactéries, protozoaires, champignons, insectes. Plantes et animaux. 2 millions. Et les insectes sont les plus nombreux, ils semblent plus. 1,1 million d'insectes. Oui. Animaux, 1,3 million. Ça veut dire que où mettons la barrière, justement, de la conscience animale ? Et quand on parle du droit de l'animal, c'est une vraie question. Et c'est là que je me heurte aussi à beaucoup de corporations. On me dit, ne peut avoir un droit que l'animal domestique. Alors, c'est quoi d'abord un animal domestique ? Hein, j'encadre une thèse, une jeune fille travaille en Inde sur les bichenoïs. Les bichenoïs sont une communauté indienne religieuse. C'est quand même, en Inde, on est quand même, quand on fait ça, ils sont quand même 800 000 personnes, hein, c'est pas tout petit, hein, qui depuis 5 siècles ne mangent plus de viande, ça c'est classique, mais surtout ne tuent pas d'animaux sauvages et protègent des gazelles et des antilopes, en laissant une partie du champ agricole de leur récolte pour elles, en les protégeant contre les prédateurs. Avec aujourd'hui des retours de très belle écologie sur ces bestioles qui sont à la charnière entre domestiques, bien sûr, et puis sauvages. Hein. Donc ça revient à cette question-là. Un chasseur me dit « mon chien est à moi, je le possède ». Alors pourquoi devrait-on prendre en considération que les animaux qui ont un propriétaire ? C'est des vraies questions. Hein. Bien sûr. Et bon, on a eu des soucis aussi, Chantal Joanneau, avec les organisations syndicales agricoles qui sont montées au créneau quand on parle du droit de l'animal ou les chasseurs. Moi, je dis souvent aux chasseurs, écoutez, je préfère tirer leur portrait que leur tirer dessus. Mais ça, après, c'est une sensibilité particulière. Hein. Donc, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. De toute façon, la question environnementale telle que vous la posez remet de plein fouet, au fond, l'aspect meurtrier de l'homme. Hein, c'est ça, si on assassine un animal. Agressif, c'est sûr. Et c'est pour ça que le mâle. Meurtrier même, Le mâle est beaucoup plus actif que la femelle dans ces histoires-là. Hein. Ah ouais. Moi, je trouve que dans les discours environnementaux aujourd'hui. En plus, je suis professeur des universités, j'enseigne à la fac de médecine, à la fac de sciences, à l'école vétérinaire à Maison-Alfort et à Agro-Paris-Tech. Les trois quarts de mes étudiants sont des jeunes filles maintenant. Hein. J'ai plus de garçons, je ne sais pas où ils sont. Ils veulent être traders, ça ne me rassure pas sur l'état de la planète. Alors, quand même, on est menacé d'extinction. Bon, je ne dirais pas ça, je dirais simplement que... Quand même, vous dites ça dans votre leçon inaugurale, un peu. Je dis, est-on en train de poser les conditions d'une sixième grande crise d'extinction ? C'est une vraie question. Oui. Je dis aussi que les grandes crises du passé, et ça c'est important que le muséum les étudie, c'est notre métier ça de base aussi, entre autres choses, sont jamais le reflet de tout, et toutes ces crises ont été multifactorielles. Il n'y a pas à chaque fois un événement qui explique la crise, un impact de météorites, une grande éruption volcanique. Donc, il faut dire que l'humain met en place des conditions aujourd'hui, on peut se poser, c'est raisonnable de se poser cette question-là. C'est posé brutalement dans la revue Nature, en mars 2011, hein, par des collègues américains qui disent « A-t-on déjà démarré la sixième grande crise d'extinction ?» Donc je réagis là-dessus. Moi, j'ai jamais dit « l'humain va disparaître », ce que je dis simplement, c'est que... Puis souvent, quand on me dit aussi... Delphine Bateau me disait « Gilles, vous êtes connu, vous voulez sauver la planète ». Je dis « Non, je veux essayer de sauver le bien-être de l'humain sur la planète ». La planète, excusez le terme, mais si elle s'en fout, la planète, en fait, absolument, hein, on est bien d'accord. De toute façon, s'il y a une extinction, elle trouvera d'autres formes. Mais totalement, il restera des bactéries, il y en a toujours eu. Cédric Villani, que j'aime beaucoup, hein, la médaille fils de mathématiques, il a un schéma où il met l'humain quelque part au centre du truc. On n'est ni à droite, ni à gauche, ni en haut, on est quelque part dedans. Exactement comme Hubert Reeves. Quand, au Collège de France, autre jour, il remet la Terre quelque part dans l'univers. Comme la Terre est quelque part dans l'univers, pas du tout remarquable, comme l'humain est quelque part dans la biodiversité, pas remarquable du tout, dans sa phylogénie. Maintenant, il devient remarquable parce qu'il a pris une position absolument gigantesque, peut-être liée à cette agressivité que vous évoquez. Hein. Vous dites quelque part que les oiseaux sont des dinosaures. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ? Oui, tout à fait vrai. Bien sûr, je ne dirais pas autrement. Ah, non, mais alors attendez, ça m'a paru quand même tout à fait extravagant. J'ai adoré votre leçon inaugurale. Je dois dire que j'y ai pris non seulement beaucoup de plaisir, mais j'étais étonnée à toutes les pages. Ben oui, dans mon discours, ce qui est clair, justement, c'est un peu un de mes arguments aujourd'hui au niveau du grand public. J'étaye tout ce que je dis sur de la science, ça veut dire que tout ce que je raconte vient des très grandes revues internationales de Nature, de Science, du PNAS américain, d'Ecology Letters ou de TRI. Et donc, je pars de données scientifiques qui ont été établies pour raconter des histoires, raconter des discours qui sont sur des choses qui sont bien sûr bien avérées et bien discutées. Alors après, il y a des positions bien sûr emblématiques qui peuvent être prises avec de la philosophie aussi. Hein. On pourra revenir sur d'autres discussions tout à l'heure. Donc les oiseaux... Quand on dit « les oiseaux ont disparu », c'est faux. Les oiseaux sont des dinosaures. Alors aujourd'hui, il faudrait dire les dinosaures non aviens ont disparu. Mais pas les dinosaures. C'est même pas des descendants de dinosaures. Hein. Ils étaient là en même temps. Ils avaient des plumes, les dinosaures, les premiers. Ils pondaient des œufs. Ils commençaient à avoir du sang chaud, comme on dit. Hein. Ils transmettaient la chaleur du corps de la maman au petit. Et c'est vrai que l'apparition de ce qu'on appelle la thermorégulation, alors on revient à la physiologie environnementale, hein, comment la vie réagit vis-à-vis de la température, vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis du sel, vis-à-vis de la lumière. Et là, il y a deux grandes stratégies. L'immensité des espèces depuis la première bactérie marine qui a la température de l'eau de mer qui l'entoure. Et là, au moment justement, où il y a vers 200 millions d'années, quand ces grands dinosaures apparaissent, en même temps les mammifères et un peu après les oiseaux, qui sont apparus après les mammifères et qui sont des dinosaures, eh bien apparaît la thermorégulation, la capacité à garder au sein de l'organisme une température constante, quelles que soient les fluctuations à l'extérieur. Ça s'est fait sur combien de milliards d'années ? Pas milliards, non, je pense que... Alors ça a commencé à être intéressant. Ça a commencé par des prémices avant chez des poissons. Et ces poissons, ce sont les thons. Uh-huh. On connaît 13 espèces de thons aujourd'hui. Et les thons ont tous une température de leur sang qui n'est pas celle de l'eau de mer. Alors que tous les poissons classiques que l'on connaît, hein, une carpe, elle est froide l'hiver, elle est chaude l'été quand l'eau est chaude. Hein. Et chez les thons, le record, je crois, connu, c'est 21 degrés de différence entre le sang d'un thon, un petit listao, et l'eau de mer extérieure. Donc déjà, ils ne sont pas comme vous et moi. Donc il y a une très grande expérience qui a été faite par des Américains à Hawaï, c'était en 1998 ou 19 par là. Ils ont mis dans un très grand bassin un dauphin, donc comme vous et moi, qui a une température constante, que l'eau soit chaude ou froide, et un poisson perroquet, qui lui, en eau froide et froid, en eau chaude et chaud, et un thon. Et ils ont passé la température du bassin le plus vite possible, c'est un énorme bassin, hein, de 26 degrés, température de surface du Pacifique à ce moment-là, à Hawaï, à 16 degrés. Et ils ont bien démontré ça. Le dauphin, il n'a pas bougé. On lui a fait avaler une sonde, donc on mesurait sa température du bord du bassin. Il est resté comme vous et moi, hein, comme quand vous allez vous baigner. Le poisson perroquet, il est passé de 26 à 16. Et mon dauphin, bah d'abord, il n'était pas à 26, il était à 30. Et il est descendu non pas à 16, mais à 20. Donc il est vraiment intermédiaire. Donc, ce qui veut dire que la vie avait testé des hypothèses, déjà, des choses. C'est ça. Elle marche comme ça. Alors pourquoi ils ne sont pas allés plus loin? C'est la vraie question. C'est ça la physiologie environnementale. Parce qu'ils respirent dans l'eau. Ça coûte tellement cher en énergie que pour une espèce qui respire dans l'eau, on ne peut pas aller plus loin que ça. Dès le moment où on veut revenir à l'océan des espèces qui ne respirent pas dans l'eau, des dinosaures, des mammifères ou des oiseaux, eh bien on peut thermoréguler dans l'eau. Avec une grosse couche de isolante, hein, une baleine, 60% de la masse d'une baleine, c'est sa peau quand même. Hein. Parce qu'il faut qu'elle s'isole, bien sûr. Moi j'ai vu un cas fabuleux d'un cachalot échoué. Une semaine après sa mort, il était encore à 35 degrés. Autant que la chaleur du corps se dissipe à l'extérieur. Tellement il était isolé de l'extérieur, en fait. C'est ça la physiologie environnementale. Donc les oiseaux sont bien des dinosaures. À son sens. On va parler peut-être des cours que nous allons entendre et que vous avez donnés au Collège de France, donc Gilles Boeuf. Donc, mardi 7 janvier, de l'apparition de la vie dans l'océan ancestral à l'émergence de l'homme. Donc, vous venez de nous dire... C'est tout ça, c'est alors, bien sûr comment l'humain... Alors, l'humain... Il faut que l'humain, au début, et ça va revenir à notre histoire d'animal tout à l'heure, Dominique Lestel a écrit un livre qui est philosophe à l'École normale supérieure, La haine de l'animal. Je pense qu'il y a eu une époque où l'humain a eu très très peur des animaux. Parce que quand on est comme Lucie, 40 kilos tout mouillé, qu'on n'a pas des gros muscles, on court pas vite, on saute pas haut, on nage pas si bien que ça, et qu'il faut défendre des petits morceaux de viande sur une carcasse de zèbre tuée par des lions quand ils sont partis de face à des hyènes, c'est pas facile. Donc je pense qu'on a peut-être accumulé là quelque chose d'un peu compliqué, qui nous est resté finalement. Et d'ailleurs, on supporte pas ces questions sur différence homme animal. Moi j'ai une très jolie histoire, je raconte tout le temps. Bolt, qui est l'homme le plus rapide du monde, hein, 9,58 au 100 mètres. C'est un phénomène incroyable. On pense même que des types qui courent comme ça, c'est un sur plusieurs milliards. Hein. Eh bien, ils courent à 41 km/h. C'est la vitesse d'un chat. Voilà. L'homme le plus rapide du monde court comme un chat. Un lion court deux fois plus vite, un cheval. Et le plus grand nageur, Michael Phelps, là, 8 médailles olympiques en des Jeux olympiques, qui a des pectoraux comme ça, là, toutes les dames craquent devant les pectoraux de Phelps, il nage à 17 km/h. C'est un poisson très lent, une carpe. Les thons nagent à plus de 100 km/h. Donc je dis, arrêtez de mettre l'humain toujours au sommet. On me dit, oui, mais l'humain, tu comprends, il nage et il court. Il y a plein d'animaux qui nagent, qui courent et qui volent en plus. Donc arrêtons de... Alors on me dit, t'as pas le droit de poser des questions comme ça. Moi, j'ai des amis médecins qui supportent pas ce genre de démarche. Hein, en me disant, tu animalises et tu avilis l'humain quand tu dis ça. Non, je ramène l'humain à ses dimensions réelles. Pour tuer cette arrogance qui, tant qu'elle sera là, fera qu'on ne considérera pas le monde autour de nous. De toute façon, ou on se sauve avec la nature, ou on ne se sauve pas du tout. Et là, je suis d'accord avec vous. Hein. Si on ne sauve pas la nature, il n'y aura pas d'humain. Hein. Hubert Reeves disait d'ailleurs, il n'y aurait rien de plus inhumain qu'un monde uniquement peuplé d'humains. Et je lui ai dit, ça ne marchera pas, parce que s'il n'y a pas les bactéries dans les corps humains, eh ben, il n'y aura pas d'humain non plus. Mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'humain, il n'y a ni nature, ni culture. Bien sûr. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'industrie non plus, parce qu'au fond, le monde est fabriqué par le langage. Bien entendu. Et donc, du coup... ça sera un monde peuplé en effet d'animaux. Comme il y avait avant. Hein. Voilà, comme il y avait avant. C'est-à-dire une absence de monde, d'une certaine manière. Elle tournait la planète. Il y aura un monde animal ou végétal ou micro-organismique. Mais un monde qui ne pourra pas penser ni parler. L'humain amène notre dimension, c'est certain. Mais du coup, ça le responsabilise. Parce absolument, que c'est ça le responsabilise énormément. Que l'humain se rend compte. Qu'on arrête de me dire aujourd'hui, on ne savait pas. On sait maintenant, ça fait 100 ans qu'on sait. Le mal que l'on fait, ça fait 100 ans qu'on sait. Donc aujourd'hui, arrêtons de travailler uniquement sur la mise en évidence de l'état de la planète, continuons à voir les évolutions, et prenons les bonnes mesures. Donc la vie de l'homme est liée totalement à la vie de toute la matière vivante. Absolument. On en est fait, fabriqué, et pas tellement différent. Alors, deuxième cours, les premiers éleveurs et agriculteurs, les premiers impacts forts sur la biodiversité. Alors là, j'aimerais bien savoir un peu plus. Alors là, on s'est posé une question de la poule à l'œuf pendant très longtemps. D'abord, il ne reste vous plus avez une que... réponse à cette question. Oui, ça y est maintenant, oui. Depuis un an, on est parti dans le PNAS. En fait, la question c'est, d'abord, il y a 12 000 ans, je raconte maintenant, donc, on a vu des origines à 20 000 ans, on est à 18 000 ans. Tout se réchauffe. Il y a un réchauffement global planétaire. C'est pour ça que l'homme, il n'y a pas que l'homme qui crée les conditions du réchauffement. Il est déjà là. Mais dessus, on surimpose des conditions terribles. Et on l'accélère énormément. Il faut de très mauvaises fois pour dire que l'homme n'y est pour rien dans le réchauffement. Et on accélère le processus. Absolument. Donc là, l'humain sort. Il ne reste plus que Homo sapiens. Ça, il faut le dire. Toutes les autres espèces d'humains ont déjà disparu. Alors que sur le gisement d'Atapuerca en Espagne, il y a eu 7 ou 8 espèces d'humains sur 2 millions d'années. Hein. Il n'y a plus que celui-là. Et là, comme vous disiez, la nature fait des tentatives et oui, abandonne certaines choses quoi, en cours de route. Oui, quoi. Et puis on sait aussi que le vivant répond à des agressions, donc des changements extérieurs, par la spéciation. On fait plus d'espèces quand ça change. D'accord. C'est Gould qui disait, durant l'évolution, il y a de très longues périodes durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, et des époques où tout va se produire. Donc l'humain commence à faire des bébés. Maintenant, on en a la preuve. Donc on commence à avoir une population, une démographie de Homo sapiens, de l'humain actuel, là, qui se met en place. Et ça le forcera à arrêter d'être nomade uniquement, parce qu'il ne bouffe pas, et il va inventer agriculture et élevage. Donc on va domestiquer des espèces vivantes sauvages. Le loup sera le premier, qui va devenir le chien, puis après il y aura la chèvre, bien plus tard il y aura le cheval, bien sûr, et les plantes domestiques. Et des plantes, aujourd'hui, on connaît 300 000 plantes sur la Terre, 5 plantes font plus de la moitié de tout ce qu'on consomme. Hein. Et en animaux, vous mangez combien de viande terrestre? 4-5. Tout le monde mange les mêmes animaux. À part pour l'océan, c'est intéressant parce qu'on mange pas mal d'espèces de crevettes, de poissons, de mollusques. À part le cas de l'océan, sur les continents, on mange tous les mêmes 5 animaux, en fait. Donc c'est intéressant de regarder ça. Et c'est là que ça part, et là les impacts vont être très forts. Parce qu'il va falloir défricher une nature dite sauvage et menaçante pour faire une nature agréable, organisée, en ordre, productive, pour nos besoins à nous, humains. Troisième cours, Gilles Boeuf, la conquête de l'énergie, les besoins industriels, l'avènement de l'anthropocène. Voilà, alors là, tout va... Et en fait, c'est quoi l'anthropocène? L'anthropocène, on définit ça comme étant l'époque de l'histoire de la planète Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution, c'est l'humain. C'est plus les facteurs qu'on a vus depuis tout à l'heure, la température, la longueur du jour. Anthropocène, hein, la scène, la partie de l'histoire de la Terre, totalement contrôlée par l'humain. Et donc, il y a eu trois grandes dates. Domestication du feu, 800 000 ans. Jusque-là, ça allait à peu près. Et néolithique, qu'on vient de parler à l'instant, on s'arrête, on invente agriculture et élevage. Et la troisième date, c'est l'invention de la machine à vapeur. Alors qu'il y avait des chevaux partout, ici. Hein, regardez la cour pavée du jardin des plantes, bien ici. Hein. Le cheval animal devient cheval vapeur quand Denis Papin et James Watt, surtout, inventent la première locomotive. Et du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. Les bateaux. C'est plus à la voile. Les locomotives vont marcher à la vapeur. On va inventer les voitures, les véhicules, les avions bien plus tard. Et je montre, durant d'ailleurs, c'est dans la leçon inaugurale, cette courbe des inventions de l'humain et de la démographie. La roue, l'invention des chemins, l'invention de la machine à vapeur, l'invention, beaucoup plus récemment, des vaccins, des antibiotiques, l'invention des ordinateurs. Tout ça fait que cette démographie, elle s'accélère, mais incroyablement, en fait. Et donc, ça revient à cet anthropocène, c'est les besoins d'énergie qu'on a basés toujours du fossile au départ. Et ça ne va pas continuer comme ça, parce qu'on sait très bien qu'en 3 à 4 siècles, notre question, ce n'est pas quand ça va s'arrêter, c'est que ça va s'arrêter un jour. Un jour, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de charbon, encore un peu de temps, mais ça ne fait rien. Il faut s'y préparer. C'est votre question sur les enfants tout à l'heure. Hein. Passons à d'autres types d'énergie et arrêtons de me faire croire que demain, on ira habiter ailleurs, cette planète, le jour où ça ira mal, on n'a pas l'énergie pour la quitter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait dans les 14e, 15e, 16e siècles, quand on avait les grandes épidémies de peste noire et que l'économie ne tournait pas? À un prix moral et éthique monstrueux, on allait mettre en esclavage des humains. Eh bien, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Donc, de toute façon, l'espace, c'est déjà quand même une poubelle. Donc, Regardez ces continents de plastique. Il y en a 5 qui sont grands comme 2 à 6 fois la France chacun. Vous mettez votre main dans l'eau, vous passez 3 quarts d'heure avec une pince à épiler, retirez les petits morceaux de plastique qui sont sur votre peau. On a fait un trou dans la couche d'ozone. Donc beaucoup moins d'arrogance, qu'on reconnaisse ces capacités-là et qu'on revienne en arrière. Non pas à revenir à la bougie, comme on me le dit, hein. On change nos comportements. Et au fond, il ne suffit de pas grand-chose d'une certaine manière. Je pense qu'il faut que d'abord tous, on grandisse en humanité et en humilité. J'ai beaucoup plus confiance dans les femmes. Elles sont beaucoup mieux capables de faire ça. Peut-être parce que justement, elles ont des enfants. Ça joue beaucoup. Puis depuis cette découverte merveilleuse des immunologistes qui ont découvert que chez chaque fois qu'une femme a eu un bébé, au moins une fois, elle porte en elle durant toute sa vie, se divisant en elle-même des cellules de son bébé, et qu'une petite fille ou un petit garçon qui naît a des cellules de sa maman. On a trouvé récemment une petite fille, elle avait des cellules vivantes en division en elle-même de sa grand-mère. C'est magique. Cette relation au vivant, la femme l'a beaucoup plus que le garçon, c'est certain. Oui. Aussi, elle l'éprouve dans son corps. Mais tout à fait. Donc, puis ça pose la question du sexe aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espèces animales qui se passent de garçons, il n'y en a pas. Hein. Il y a beaucoup d'insectes, de grenouilles, de poissons, il n'y a pas de garçons, il n'y a que des filles. Et on fait des garçons quand ça va mal, pour avoir les gènes, pour réagir au changement. Formidable. Ben oui, ça marche bien. On continue sur les cours. Gilles Boeuf, océan et biodiversité, quelle érosion ? Voilà. Donc là, je me suis intéressé, après l'apparition de la vie, à l'océan actuel. Donc les grosses questions de l'océan, c'est bien sûr les pêches maritimes, la surexploitation des stocks et l'aquaculture. Et de toute façon, on a l'impression que les lois internationales ne changent rien. Parce que les gens n'appliquent pas la loi et on pirate. Oui, bien sûr. Le thon rouge, vous voyez, on a extirpé de Méditerranée. Il n'y a pas de marché. Il valait 3 euros le kilo en 2000, le thon. Il est passé à 100 euros le kilo. On ouvre un magasin par jour de sushi dans ce pays, là, ou de sashimi. On change des types. On passe du restaurant chinois au restaurant japonais. Ça n'a rien à voir, mais ça ne fait rien, on le fait quand même. Donc ça veut dire que là, on est parti sur... Il s'est vendu des thons à 1 million d'euros. Pièce, un poisson. Donc là, on change d'échelle. Alors, je ne suis pas un anti-pêche, mais je suis un anti-pêche stupide. Donc, je me suis beaucoup heurté à ces questions, justement, moi, de pêche de grand fond. Et je raconte l'histoire, justement, des relations de l'humain à l'océan depuis les origines. Et donc, bien sûr, ces questions de surexploitation des stocks. Et également, maintenant, les projets prochains d'exploitation de matières minérales au fond de l'océan. Oh là là. Bon, on n'a pas encore bu la coupe jusqu'à la lie, en réalité. Voilà. Donc, ensuite, et vous avez fait un cours sur la biodiversité sur les continents, en posant la question, quelle érosion ? Voilà. Et là, c'est l'agriculture. Hein. Là, c'est toute la discussion sur la naissance de l'agriculture et de l'élevage. Mm-hmm. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, la relation entre le monde agricole et la biodiversité, qui est fondamentale. Puisqu'aujourd'hui, autant je dis souvent, il y a des humains, quelques humains sans agriculture, il n'y a pas d'humanité sans agriculture. On doit produire ce qu'on consomme. C'est clair. Comment demain nourrir 9 milliards d'humains, 7 aujourd'hui ? Donc, c'est la grande question. On est trop nombreux quand même, non ? On me pose souvent la question, je pense que ça serait un peu mieux si on était moins nombreux, maintenant comment on régule ça ? Le seul pays qui a réussi à le faire, c'est la Chine, hein. Oui. Et malgré ça, ils sont encore à 1,5 enfants par femme. Mais disons que récemment, je voyais un travail de démographe qui disait que les mesures chinoises ont quand même interdit la naissance d'à peu près, effectivement, 500 000 personnes. Et l'Inde prend le chemin d'être le premier au monde maintenant. On parlait du Nigeria, on parle du foot en ce moment. C'est des pays en démographie incroyable en ce moment. Hein. 200 millions, oui. Beaucoup plus. L'Afrique risque d'être la région du monde qui va doubler sa population. Pour moi, le principal fait de disharmonie, c'est le fait de ne pas donner du travail à des jeunes qui arrivent sur le marché. Oui. Ça, c'est anti-écologique totalement, ça, évidemment, bien sûr. On arrive à ce cours sur la biodiversité en ville, donc le retour. Donc là, ça a été la question, effectivement, de ne pas considérer la ville, dans laquelle on vit maintenant majoritairement, hein, comme un lieu sans biodiversité. Ça n'a pas de sens. Hein. Il y en a partout. Sur nous, dans nous, il y en a. La ville est verticale, elle est beaucoup plus chaude l'hiver que la périphérie de la ville. Il y a beaucoup moins de prédateurs, il y a des espèces qui s'installent bien en ville. La question, c'est comment aujourd'hui considérer le milieu urbain et comment ramener un peu de nature en ville. Et surtout aussi toute la question, bien sûr, qui est posée après, de promiscuité, donc de dissémination de pathologies d'humain à humain par le fait de vivre effectivement très proches les uns des autres. Donc j'ai beaucoup abordé la question aussi sur les nouvelles maladies émergentes qui sont liées aux pertes de biodiversité. Lesquelles, par exemple ? Regardez, en 76 apparaissent le sida, apparaissent les hépatites, apparaissent les légionelloses qui n'étaient pas là, ou qui étaient là de façon très très ténue. Aujourd'hui, on a à peu près 300 à 400 maladies nouvelles apparues chez l'homme depuis 1940 et qui sont liées à des modifications de nos bactéries intestinales ou à nos modes de vie différemment et surtout à l'usage complètement farfelu des antibiotiques. On sait qu'une maman enceinte, maintenant pour revenir aux femmes, qui prend un traitement antibiotique peut très bien déclencher ses symptômes 3-4 ans après des pathologies particulières. Hein. Maladies auto-immunes, en explosion. Maladies allergiques, en explosion aujourd'hui. Et souvent, c'est lié à des pertes de diversité biologique ou à des transferts dans des régions où il n'y en avait pas, d'espèces qui posent des problèmes. Parce que les causes de perte de diversité, c'est la destruction et la pollution, bien sûr. Bien sûr, oui. C'est la surexploitation. Et là, les pêches en mer et les forêts, j'en ai parlé durant le cours avec l'agriculture, j'ai parlé aussi des forêts. C'est la dissémination partout d'espèces qui deviennent invasives. Et puis, c'est enfin, bien sûr, le climat qui change. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses, bien sûr. Alors, la ville, c'est ça. Ne pas considérer la ville comme un lieu sans vie. Il faut qu'on fasse de l'écologie urbaine. On a des paradoxes incroyables. Le miel qu'on mange à Paris est de bien meilleure qualité que le miel qu'on mange à la périphérie de Paris. C'est rassurant quelque part. On n'a pas les mêmes abeilles dans Paris et hors de Paris. Et c'est là que prend tout son sens ce qu'on appelle, nous, les sciences participatives, où le citoyen participe avec le scientifique, d'abord à la mise en évidence de données, deuxièmement à leur gestion, et ensuite à la proposition de bien meilleures méthodes de gestion de l'environnement. Mmh. Et la biorespiration, ainsi, s'appuie aussi là-dessus. Donc tout ça, la ville est importante. Et quant aux maladies, il faut qu'on démontre aujourd'hui, et les médecins s'attachent de plus en plus, hein, qu'une grande partie de nos pathologies sont liées à des choses environnementales. De pesticides, d'insecticides, de ah mais vous savez qu'il y a eu justement une grande révolte chez les agriculteurs à cause de l'interdiction des pesticides à 200 mètres, à moins de 200 mètres des écoles et des crèches. Donc c'est très difficile de gérer le ça. Le nombre d'agriculteurs qui arrivent à l'hôpital, empoisonnés par leurs produits, c'est tous les jours dans les urgences d'hôpitaux. Ah bon? Bien sûr. Ils s'empoisonnent eux-mêmes avec ces produits. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout comme sens de crier à roue sur les agriculteurs, pas du tout. Ils sont pris dans un système, il faut qu'on change. Moi, je rentre d'Indonésie, j'ai vu des gens qui produisent dans la même parcelle sur un volcan, avec des plantes incroyables, du taro, qui est leur plante de base, de la banane et des fleurs, des roses, sur la même parcelle, avec des rendements bien meilleurs que ce qu'on fait en France, sans arroser, sans pesticides et sans insecticides. Donc on arrête de me dire que c'est absolument obligatoire. Ça dépend des techniques. Le bio, ça marche. On ne s'empoisonne pas. Ce qu'on appelle l'agrologie aujourd'hui, l'agronomie écologiquement intensive, on est vraiment dedans. Oui. Il faut qu'on produise plus sans détruire la nature, sans tuer la biodiversité, sans gaspiller l'eau, sans empoisonner les gens, sans insecticides, de moins en moins d'engrais et sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles. C'est un vrai défi intellectuel. On pourrait dire ça, par exemple, dans certains coins d'Afrique où les gens n'ont même plus le droit de planter leurs propres légumes parce qu'il y a, justement des industries agricoles qui... Pour un écologue, c'est monstrueux, évidemment, bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment carrément meurtrier aussi, ça. Bien sûr. Ben, l'ennemi, c'est les grosses multinationales, c'est pas les États. Mmh. Autre cours, quelle relation entre espèces et biodiversité? Question de conservation. On a bien compris qu'évidemment, l'espèce humaine est justement une espèce parmi beaucoup d'autres. Mais disons que... À la fois, il y a ce côté inquiétant qu'on a développé. Alors, soyons un peu positifs pour la fin de l'émission. On n'a jamais autant connu qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'humain peut trouver des mesures de gestion et de protection. J'aime pas trop le mot conservation parce que on peut pas conserver la nature sous cloche. Je suis pas quelqu'un pour les sanctuaires. Oui, bien sûr. Ou alors il faut conserver sa capacité à évoluer, hein, pour répondre aux agressions qu'on crée aujourd'hui. Ça, c'est vrai, ça. De toute façon, le vivant évolue en permanence. En permanence, bien sûr. Il n'y a pas d'équilibre dans la nature. Mm-hmm. Ou alors, il est tellement fugace qu'on ne voit pas. Mm-hmm. La durée, vos cheveux, là, le cheveu qui est là par rapport à celui-là, il y a eu deux bactéries qui ont changé de place, ça a changé. Donc, ça veut dire que la question, c'est effectivement, comment est-ce qu'aujourd'hui, on met en place des mesures pour garder encore avec nous des espèces qui nous accompagnent encore et que nos enfants, dont on parlait tout à l'heure, puissent avoir accès, bien sûr. Hein. Et moi, j'ai eu accès au Beiji, dauphin du Yangtze-Kiang. Mes petites filles n'ont pas connu le Beiji. Le dernier est mort en 2007, en Chine, a disparu, dans l'indifférence générale. Jean-Marie Pelt dit souvent, une plante qui disparaît à Madagascar à 20h32, ça ne fait pas la une du 20h, bien sûr. Hein. Or, chaque disparition est très importante. Hein. Ce poète chinois qui disait, il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. C'est des vraies questions, ça. Donc là, c'était un cours sur, d'abord, est-ce que les réserves, ça marche ? En mer et sur les continents, comment il faut faire? Quelles sont les autres méthodes d'approche que l'on a aujourd'hui pour contrôler justement ce qu'on appelle globalement les ressources? Alors, il y a des gens qui nient le fait que l'humain puisse qualifier la Terre de ressource pour lui-même aussi, hein. Comme des gens qui vont déifier des espèces, les baleines, c'est sanctuarisé. Donc il faut trouver une raison entre tout ça. Hein. Moi je suis viscéralement anti-extrémiste de tout poil, hein, entre ceux qui veulent tout détruire au nom du capitalisme forcené, non encadré, et ceux qui disent on touche à pas au vivant, tout est divin, il faut trouver un équilibre. Et ça marche si on est 30, pas si on est effectivement 7 milliards et demain 9. Donc c'était tout un cours sur les relations de l'humain avec les mesures possibles pour beaucoup mieux aujourd'hui gérer nos environnements. Alors, le dernier cours, bien alors ça c'est évidemment l'ouverture. Quel futur pour la biodiversité, quelles mesures à prendre? Est-ce que, enfin, en général, on pourrait penser, disons, en étant raisonnable, Gilles Boeuf, que l'espèce humaine a les moyens, au moins ça, de répondre et de résoudre les questions qu'il se pose? Bien sûr. Hein, et donc, on devrait pouvoir aujourd'hui, justement, commencer à... Mais il faut qu'on se les pose pour commencer. Ah oui. Mais, on ne se pose pas les bonnes questions. Nos concitoyens, non. Enfin, nous, parce qu'on est habitués, c'est notre combat. Vous savez, je vous pose toujours la même question. Quand je fais des conférences, maintenant, je commence à être connu. J'ai 1000 personnes à Vannes ou à Caen. Ça marche. On vient voir les expositions du muséum. On ouvre les pages environnementales des grands journaux. On vous écoute à France Culture. Comment ces gens-là qui nous écoutent sont convaincus? Comment on va chercher les 99% qui ne viennent pas aux conférences, qui ne lisent jamais des pages environnementales d'un grand journal, qui n'écoutent pas la radio, qui ne regardent pas les émissions, les bonnes à la télé, où il y a très peu à la télévision française, de bonnes émissions sur l'environnement? On confond technologie et science très souvent aussi. C'est ça la question. Oui. Quels sont les moyens, les outils qu'on a, et surtout comment on réconcilie, comme disait Robert Barbeau, écologie et économie? Ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que la crise que l'on vit aujourd'hui, elle n'est pas que financière et économique, elle a aussi des bases écologiques. C'est la première crise de raréfaction des ressources, elle est très différente de la crise de 1929, qui est une crise de surproduction. On sépare bien l'écologie scientifique de l'écologisme politique, parce que pour moi, l'écologie, c'est pas d'un parti, c'est du bon sens, oui, des relations entre les humains. Et c'est là qu'il faut pas laisser uniquement ça entre les mains de certains qui s'abrogent le droit de dire « moi je suis écolo ». C'est pas ça, c'est tous. On peut être écologue et écolo, pourquoi pas? C'est un problème totalement général. Voilà, et lié à chacun. Bien sûr. Et c'est là que les sciences participatives sont intéressantes, parce que tout le monde peut participer à ces questions-là. Donc, la vraie question, c'est comment on réconcilie écologie, on réconcilie et économie? Comment on explique à nos concitoyens que demain, on peut vivre beaucoup mieux avec des critères, des indicateurs du bien-être bien meilleurs en consommant moins? C'est clair, le consumérisme, il n'a pas de sens. C'est Holstein Dahle, que je le dis à un moment, qui disait... En 2003, il disait « le socialisme, le communisme s'est effondré parce qu'il n'était pas compte des réalités du marché. Le capitalisme non encadré s'effondrera s'il ne tient pas compte des réalités écologiques. » Donc vous voyez, on est sur des choses qui sont intéressantes. Et c'est là qu'il faut revenir à une économie de marché. Pourquoi pas? Mais laquelle? Avec beaucoup plus d'humanité, d'humilité, et arrêter la cupidité comme seul moteur de développement, bien sûr. C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec ce soir Gilles Boeuf, titulaire de la chaire Développement durable, environnement, énergie et société. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours consacré à la biodiversité, de l'océan à la cité. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous. Thank you.